gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planète Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as monster. Okay, I'll see you. You know, we'll see you this way. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, ça commence maintenant. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Planète Indie. Nous sommes le samedi 4 décembre 2021. Ça sent tout doucement la fin d'année et les fêtes qui l'accompagnent, cette période du calendrier, va-t-on dire. La météo, bah ça, on sent bien qu'on arrive à la fin de l'année aussi, hein. Ça s'est assez bien refroidi. C'est pas top. Sorti les vestes d'hiver, ça fait du bien. Les vestes, hein, pas la météo. Alors, au programme de ce jour, pas mal de bonnes choses évidemment, comme chaque mois, hein, vous en avez pris l'habitude maintenant, vous nous êtes fidèles, c'est bien. Au niveau de la musique, on écoutera Son of the Velvet Rat, c'est un habitué de cette émission. On écoutera Meadow Creek, on écoutera Carys Thompson, The Search, groupe suédois qui avait été Powerplay, si je me souviens bien, il y a un bout de temps de cela. Notre powerplay de cet épisode eh bien, nous emmènera du côté des États-Unis, du côté des Twin Cities, Saint-Paul, Minneapolis. On ira faire un tour dans le monde de la BD avec une nouveauté très attendue, dont je vous parlerai un peu plus longuement. Et puis on ira voir les agendas de tout ce qui se passe dans la région chez nos partenaires. Tout ça, eh bien, c'est à caser avant 18h30, donc on a du pain sur la planche. Eh ben, je vous propose de commencer tout de suite avec la musique et je laisse la place et le micro au groupe Let's Eat Grandma, qu'on pourrait traduire par « Ici on mangeait grand-mère ». Ce n'est pas tiré du petit chaperon rouge, je vous rassure. Et le morceau s'appelle « Hall of Mirrors ». Pour débuter donc cet épisode numéro 437 de Planète Indie. Followed me into the hole of mirrors. thorns at my bedside, writing letters that are riddled with regret. I said I know, I know, I know, I know your heart is locked, and this can only be inside the dream that I've been making up. But I thought of you, and I wasn't gonna make me shy until I talked to you. Somewhere in the night with a spell in your eyes, and it was all about you. Ooh, ooh, ooh. The moment in time when our shadows collided and it told the truth. You linked through my fingers and followed me into the hole. Somebody tell me how I'm gonna work this out. Slow down, where'd you wanna go? Now you're on my mind. Slow down, where'd you wanna go? Now you're on my mind. And I thought of you, and I wasn't a girl that it made me shy until I talked to you. Somewhere in the night with a spell in your eyes, and it was all about you. Ooh, ooh, ooh. The moment in time when our shadows collided and it told the truth. You linked through my fingers and followed me into the hole. Esoteric incantations of how to exercise demons, but it's what others call life experience. It's time to give it a rest. You're not among angels. The ghosts are coming for you, and it's quite alright that they do wipe the dust from your looking glass and face that hollow smile. There's something about the quality, the ability to forgive yourself. Who knows? Others may already have. There's clothes strewn all over, the drains have clogged. That's some tangible tasks there for you. Yes, things you can touch. C'est donc un extrait de cet album Hearts Racing du groupe The Search, sorti chez nos amis de NS Records. On écoutait Ghost, plus un morceau pour Halloween que pour les fêtes de fin d'année. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure des fêtes de fin d'année. On est le 4 décembre, celle qui arrive là tout de suite. C'est bien entendu la Saint-Nicolas et apparemment l'équipe de Planet Indie, on a été bien sage puisqu'il est passé pour nous. On le remercie, toute l'équipe de Planet Indie remercie donc Saint-Nicolas de ne pas nous avoir oubliés. Et ben voilà, merci Saint-Nicolas, il se reconnaîtra et il saura pourquoi. Allez, on poursuit en musique avec le groupe Foxy's Sister Ray. Foxy, c'est le nom du groupe, et Sister Ray, c'est le nom du morceau. Et puis après cela, eh bien, après cela, nous irons faire un petit tour sur notre album Powerplay. Rendez-vous pour cela d'ici 3 bonnes minutes. Too fast, too far to love someone. Début d'émission très entraînant. Hein. On est, on écoutait à l'instant, pardon, le groupe Foxes avec Sistery, et puis on avait commencé avec Let's Eat Grandma, Hall of Mirrors, et intercalé entre les deux, le groupe suédois The Search avec Ghost. Nous allons partir et je vais vous emmener aux États-Unis, comme je le disais tout à l'heure, du côté des Twin Cities. Pour situer, pour ceux qui ne savent pas, eh bien, on parle ici des villes de Saint-Paul et Minneapolis dans le Minnesota. C'est un coin du monde d'ailleurs d'où était originaire aussi Prince, pour situer. Une ville américaine moyenne, d'ailleurs j'ai eu même l'occasion de la visiter il y a quelques années de cela. Saint-Paul, j'en ai gardé un moins bon souvenir personnel, mais bon, c'est pas trop le thème du jour. L'album qu'on met à l'honneur aujourd'hui dans cette émission numéro 437 de Planet Indie s'intitule Good Sad News. C'est un album qui est l'œuvre de Duke Collins, accompagné pour l'occasion des Receptionists. Le nom de ses compagnons fait référence à son emploi, on va dire, de jour, puisque là, la musique, c'est plutôt son emploi de nuit. Un emploi qu'il occupe, puisqu'il est en effet réceptionniste à l'université de Minnesota, du Minnesota, même si ça fait pas si longtemps que ça, puisque avant, il a opéré en tant que père au foyer et il s'occupait d'élever son fils. C'est ce qu'il a fait pour l'essentiel pendant ces 20 dernières années. Il a d'ailleurs eu, en 1996, il a obtenu son diplôme de langue anglaise dans cette même université. Puis il s'est mis à utiliser son temps libre pour écrire et produire des pièces de théâtre. Comme je viens de vous l'expliquer, à la naissance de son fils, il avait mis la musique de côté, puisqu'il en faisait déjà à l'époque, il s'est occupé de son gamin et il n'y est revenu progressivement que depuis 2011. Good Sad News est donc son troisième album. Je vous propose d'en écouter un premier extrait. Je vais vous mettre une vidéo sur le groupe Facebook de Planet Indie. C'est pas facile à trouver, il n'y en a pas des masses. Mais j'en ai trouvé une, donc je vais vous la mettre. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous tapez Planet Indie dans Facebook et puis vous arrivez directement sur nous. Ce ne sera pas la vidéo du morceau qu'on va écouter maintenant. Hein. On va écouter A Little House Built for Two. C'est un morceau à la fois énergique et entraînant, et bien qui plonge ses racines dans un style un peu vieille époque, vous allez voir, avec à la fois des parties calmes et en même temps des éléments qui aussi plus vers le rock alternatif. Allez, on découvre cela tout de suite. Je vous rappelle le nom de l'artiste, Duke Collins, accompagné des Receptionists, et le morceau qu'on écoute s'intitule donc Little House, sous-titré Built for Two. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. Powerplay. Well, it finally came true. That little house built for two. After all we've been through, that little house built for two. After all the days and all the hours, we can say this is finally ours. That little house built for two. Then why aren't I happy? And why are you so blue? We both did everything that we were supposed to do. So here we are in this place, that little house built for two. I've never seen a lonelier space than that little house built for two. And we may never know why, but this is the place that we'll say goodbye. That little house built for two. Yeah, we'll say goodbye and then I'm never going back there again. That little house, that goddamn little house. That little house built for two. Sparks. Hi, this is Davis from Savage Peace, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Michael from Din Machine, and you're listening to Planet Indie. Outlaw radio, and I'm driving slow. Moonlight on my hood, and it's understood. 'Cause when you're on I-45, already arrived. And it feels like Texas, and it feels alright. There's rain in the air, and I don't care, 'cause I'm from Houston, and I'm sure enough used to it. And when you're rolling down 59, you're always right on time. It feels like Texas, and it feels alright. We'll be right back.

continue lentement mais sûrement notre découverte de cette hippie comment il s'appelle, Noy Sierra, puisque je le prononce d'habitude comme cela. Un hippie 4 titres, et ben je vous en passe depuis 3 mois un morceau, donc on est au 3ème, et celui-ci c'était I Go With Grace, je vous rappelle leur nom, Noy Sierra. Il y a quelques jours s'est tenue une conférence de presse au Centre de Musique Amplifiée, à la Rocale, qui faisait le bilan de ces derniers mois, ces dernières années, ce qui s'est passé, et puis qui, sur laquelle on a aussi, enfin, ils ont un peu présenté ce qui allait se passer très prochainement. À vous signaler eh bien, notamment le site internet qui a été complètement refondu. Si vous allez faire un tour sur rocal.lu, vous allez voir que ça, c'est un peu différent, c'est un peu au goût du jour avec des affichages énormes. Enfin, allez voir. Hein. Alors, on annonce aussi l'installation d'un balcon au club, ce qui permettra d'augmenter la jauge et la flexibilité de la petite salle de la Rocale. Et puis, on a parlé de la gros événement qui va se tenir tout au long de l'année 2022. Évidemment, ESH 2022, capitale européenne de la culture. Et la Rocale organisera à cette occasion de nombreux concerts à grande capacité. Je vous en ai déjà parlé avec les venues de Black Eyed Peas ou de Imagine Dragons, ou encore des concerts avec des plus petites capacités dans des lieux extraordinaires. Le CMA, donc le Centre de Musique Amplifiée, voulait aussi être créateur de contenu et il a donc joint ses forces avec des acteurs du monde scientifique tels que l'Université de Luxembourg. Le LIST, c'est le Luxembourg Institute of Science and Technology, je pense que c'est ça que ça veut dire, et ou encore le Fonds National de la Recherche pour proposer eh bien, un projet innovant de sonification des données. D'autres projets artistiques vont aussi se greffer à celui-ci pour vivre le thème de ESH 2022. L'agenda 2022 est donc le résultat du report, à la fois le résultat du report de concerts de la période Covid, mais aussi vient d'une nouvelle programmation proactive. Et ça se marquera avec notamment la venue en février du phénomène du moment Maneskin. Voilà, si on va faire la transition facilement, et je vais vous parler eh bien, de l'agenda pour ce mois de décembre. Alors, le spectacle de l'humoriste belge Guillaume, le spectacle de demain est annulé. Par contre, celui de lundi est maintenu et il reste encore quelques tickets apparemment. Mardi 7 sera aussi de l'humour avec Kian Kojandi. Et puis le 8, eh bien, on change de registre avec le métal de l'Éprousse. Le hip-hop show de Ghosteman est annulé. Et puis le 12 décembre, donc dimanche en 8, ce sera Casse-Noisette, je pense qu'il revient tous les ans, le Casse-Noisette. Le 15, c'est la réunion des membres Rock Lab, et c'est tout à fait dans le thème de Planète Indie, puisque c'est le thème portera sur les stations radio locales. Si vous êtes membre eh bien, du Rock Lab, c'est gratuit, vous pouvez y aller. Le 16, annulation aussi du concert de Gaël Faye. Le 17, il reste quelques places pour Vladimir Cauchemar. Et le 18, c'est le Belval Blues avec un invité spécial Remo Cavalani. Ce sera au Rocal Café et c'est gratuit. Le 18 décembre, Arnaud devait venir, mais il n'est pas en grande forme en ce moment, donc le spectacle est annulé. Et puis, c'est ainsi que se termine eh bien, la programmation de cette année 2022. Et en principe, ça reprend 2021, pardon, et ça reprend en janvier 2022 avec la venue et le spectacle de Carmina Burana. Eux aussi, ce n'est pas la première fois qu'ils sont programmés. Mais ça, on aura le temps d'en reparler au cours de notre prochaine émission. Enfin, c'est un peu particulier cette année-ci, puisque notre prochaine émission est normalement prévue le 1er janvier. Donc, ça va être un petit peu difficile quand même d'être là en studio le 1er janvier. Donc, je vais essayer de vous préparer un petit quelque chose et faire une émission qui sera pour l'occasion, c'est une fois n'est pas coutume, qui sera préenregistré. Voilà, comme ça vous savez vraiment tout. C'est pas encore au point, j'ai encore rien préparé, mais je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, plus ou moins concept habituel, mais bon, ce sera diffusé en 1er janvier. Allez, on poursuit en musique avec The Silence Industry, le Always and Forever, le remix A. Oui, c'est bien ça. Ah oui, une longue intro, c'est pour ça que c'est un peu silencieux au début, mais on l'entend là dans le fond, ça se rapproche. Allez, je vais me tais. The Silence Industry, Always and Forever. Et puis après, on écoutera Bobby Rothschild, Save Me a Place. Et puis nos amis de Son of the Velvet Rat, Beautiful Disarray. Un peu particulier, hein. Le morceau en plus fait pas loin de 7 minutes, donc ce que je vous propose de faire, on va profiter de la fin du morceau et on va Et pour en terminer d'ailleurs avec les communiqués de presse de la Rockale, je peux vous annoncer aussi eh bien, que le Rock Lab a dévoilé le nom de la gagnante du concert, du concours, le Screaming Field Song Contest. Je vous en avais parlé, je vous avais dit que vous pouviez vous inscrire. Eh bien, la gagnante, c'est le jeune talent Emily Grogan, je pense que c'est comme ça qu'il faut prononcer. Que vous dire de plus ? Eh bien, parmi les 20 candidats qualifiés, Emily Grogan a su captiver le jury par son interprétation et ses paroles originales et authentiques. Et elle se décrit elle-même d'ailleurs comme une artiste alternative indie. En tant que gagnante, eh bien, elle va pouvoir enregistrer sa musique avec l'aide d'un producteur du Luxembourg et tourner un clip avec un réalisateur local. Rendez-vous donc l'année prochaine pour la prochaine édition de ce concours. La programmation de la Culture Fabrique, eh ben, c'est assez limité aussi. Ben, c'est la fin de d'année, hein, donc c'est un peu limité. Demain, 5 dimanche, à 20h, il y a le groupe psychédélique turc Altingun, mais c'est complet. Le mercredi, c'est Eat It Anita avec Marcel en support. C'est du rock, apparemment. Et puis jeudi 9 du 12, ça c'est dommage, l'annulation du concert de Cadavar. Alors, le samedi 11 était prévu aussi A Tribute to Gigi et celui-là, il est reporté. Et puis, pour l'heure, ce sera de nouveau rendez-vous l'année prochaine pour la suite des festivités à la Culture Fabrique. Nous, notre suite, il ne faudra pas attendre l'année prochaine. On va la faire tout de suite avec Bobby Rothschild, Save Me a Place. Et puis après, nos amis de Son of the Velvet Rat, Beautiful Disarray, avant de retourner sur l'album de Duke Collins and the Receptionist. Save me a place on your altar I'm born and I'm lost on your water I might get there while it's light Or I might drift under the night Save me a place on your altar I've reached and I've stumbled toward you I've waited and I've hungered for you But I've lost myself at sea Thought it fell to you, not me To bring me to believe I was worthy It's not to make me right I release you From everything you are I will not keep you I've forgiven the disguises that kept us hidden from our eyes And left us with these burdens to bury I will love you and believe in you forever From our children may we neither one be severed. Where our birds touch the sky, may we meet there by and by. Save me a place on your altar. The lonely far ahead on a summer day. Disarray, beautiful, beautiful disarray. Disarray, beautiful, beautiful disarray. Un groupe qui avait été powerplay chez nous il y a, mais là c'était au moins il y a un an, si même deux ans, le groupe Son of the Velvet Rat. On les écoutait avec Beautiful Disarray, extrait de leur plus récent album à ma connaissance, Salutary Company. 17h48, pratiquement 49 minutes. Retournons, si vous le voulez bien, à la découverte de Duke Collins et de son album Good Sad News. C'est un album à l'ambiance fondamentalement rétro. Il suffit pour s'en convaincre, eh bien, si vous regardez simplement la pochette, le CD de l'extérieur, eh bien, vous allez vous rendre compte tout de suite que ça fleure bon les bonnes années. Hein. La pochette fait penser au look des anciens vinyles. Ils ont même été jusqu'à ajouter le vieux logo, le petit logo stéréo. Et puis la photo de couverture, le livret intérieur et même l'étiquette, l'autocollant, eh bien, sur le CD, ça fait vraiment penser aux anciens 33 tours de chez Columbia Records. Musicalement, eh bien, ça suit le mouvement, hein, c'est assez rétro aussi à certains égards. L'ami Doug plonge ses racines en plein dans les années 60, avec un style faisant parfois penser à des gens comme Roy Orbison et les Beatles, Marshall Crenshaw ou encore Bud Owens. On y trouve de la country music, notamment sur le morceau I Saw You Dancing, même si la chanson elle-même, eh bien, ne se prête pas particulièrement à la danse, étant plutôt lente et triste. À d'autres moments, on replonge dans les racines pionnières du rock'n'roll, style Ritchie Valens ou Buddy Holly. Vous voyez, ça voyage pas mal dans le passé. Hein. C'est pas un album qui a été fait à la va-vite, tout d'abord eh bien, parce que c'est pas le style de la maison, et ensuite parce que Doug a passé énormément de temps sur scène. On en parlera dans le prochain épisode de son histoire. Plutôt que de simplement enregistrer, eh bien, les chansons dont il disposait, il s'est posé tranquillement avec Rob Jenadek, son ami, qui est aussi le coproducteur, et ils se sont mis à réfléchir à leur aise, à la manière, eh bien, dont il devait sonner. Il a notamment replongé dans les souvenirs de son enfance, quand sa mère jouait de la musique à la maison, ou écoutait des artistes tels Johnny Ray ou Frankie Lane. Eh bien, on va illustrer cela tout de suite musicalement avec un morceau Le morceau qu'on va écouter, il s'intitule Two Days of Rain. Bon, c'est pas ce qu'on demande, hein, parce que de la rain, de la pluie, on en a eu assez bien et on s'en passe en ce moment. Two Days of Rain qui consiste à une bonne tranche de rock rétro indé, modable, avec un peu de guitare rockabilly. Voilà, je vous laisse juge. Je vous rappelle simplement son nom, il s'appelle Doug, il est accompagné des Receptionists et son album s'appelle Good Sad News et je vous ai mis une vidéo dans notre groupe Facebook. How I play. How I play. Two days of rain. Everything looks the same outside my window, inside my door. It's all gray. Never since you went away, all it seems to do is pour. Well, I should have said I'm sorry, but now I know it's too late to say you're sorry when you're watching someone go two days of rain. Ain't never seen any blue except me when I think about you. Burn, burn, burn, burn. the street, the world moves on. Those were the best of the many days, among so many forgotten and gone. Was the summer. Yeah, that was the summer. Yeah, that was the summer. Yeah, that was the summer. Hey, this is Dust from Psychopathic Romantics, and you're listening to Planet Indie. Hi, this is Diane Mink, and you are listening to Planet Indie Radio Show, Brussels and worldwide. S'appelle Meadow Creek et il nous interprétait le morceau intitulé Davies on the Road, et avant cela c'était Michael Veitch et That Was the Summer. C'est marrant de placer ça, de jouer ce morceau après le morceau Two Days of Rain de Duke Collins. Ça, ce sont les hasards de la programmation, je l'ai même pas fait exprès, c'est ce que j'appelle les petits miracles de la programmation. 18h01, et eh bien je vous parlais en présentant, en introduction de cette émission que la capsule BD de ce mois-ci nous allait nous emmener bien vers un album très attendu. Bah oui, c'est le dernier album en date, Les Nouvelles Aventures de Blake et Mortimer. Blake and Mortimer, l'album s'appelle Le Dernier Espadon et il vient de sortir, il est tout chaud, il est sorti en novembre, chez Dargo. Voici le résumé de l'histoire. Janvier 1948, alors qu'il se rend en voiture à l'aéroport d'Astley pour s'embarquer vers le Moyen-Orient pour une mission secrète, le major Humble Tweed est tué dans une embuscade. C'est un imposteur qui prend sa place dans l'avion et accueille quelques jours plus tard le professeur Mortimer, chargé par son ami Blake, qui dirige désormais le MI5, de changer les codes de démarrage des 5 derniers espadons avant leur transfert vers Schofield. Blake, lui, est préoccupé par la situation en Ulster, où l'IRA projette de mettre en œuvre une action d'envergure. Son chef, Milligan, rencontre secrètement le Standartenführer Otto von Rauch, qui lui propose de réactiver l'opération Buckingham, abandonnée depuis la fin de la guerre, et visant à faire exploser le palais avec tous ses occupants. 4 aéronefs sont détruits par les rebelles pendant leur déménagement, tandis que le dernier tombe entre leurs mains. Mortimer et Nazir, son chauffeur, parviennent à s'enfuir dans le désert, mais sont finalement faits prisonniers par les hommes d'Olric. Il ne manque plus à ce dernier qu'un pilote pour mener à bien la machination Buckingham. De leur côté, Blake et le MI5 ne peuvent à aucun prix se permettre de laisser Mortimer, le seul à connaître le code d'activation de l'appareil, dans les griffes des indépendantistes, et se lancent dans une course contre la montre pour contrecarrer leur plan et récupérer vivant et indemne le professeur et l'avion. L'espadon, ce chasseur à la fois volant et submersible, a 75 ans. Il était au centre de l'intrigue des 3 premiers volumes qui ont lancé avec succès la série. Jean Van Hamme, qu'on retrouve au scénario de ce nouvel épisode, affirme que c'est précisément le secret de l'espadon qui l'a le plus marqué, voire terrifié, quand il était jeune. Quoi de plus normal dès lors que de le retrouver au scénario de ce nouvel opus, bouclant la boucle de l'engin, qui n'avait curieusement pas été mis en avant dans les aventures suivantes. Il reste fidèle à la recette qui mélange deux extrémités, un fait historique et un contexte géopolitique authentique d'un côté, un zeste de science-fiction de l'autre. Par contre, certains ingrédients apparaissent, rompant avec la tradition. En premier lieu, un nouveau personnage féminin de surcroît, surgit en la personne de Marge, la secrétaire dont Blake a hérité aux manières peu empreintes de retenue so British, et qui, tel James Bond, en viendra même à payer de sa personne pour Dieu, pour l'Angleterre et son roi, entre guillemets, parce que je cite. Seconde nouveauté, certaines cases sont arrosées d'un humour distillé avec parcimonie et efficacité, ce qui n'était pas vraiment la marque de fabrique de Jacobs. Enfin, les deux amis évoluent, alors que Mortimer n'est plus si fier que cela d'avoir développé cette arme de destruction massive. Blake doit se résoudre à accepter que son compère puisse être sacrifié sur l'autel de la raison d'État. On voit même l'inimaginable se produire, puisque se dessine une alliance entre Mortimer et Ulric, dont les intérêts en viennent à converger. Bien qu'à très court terme, elle laisse sans voix. De plus, contrairement à la tradition, l'infâme se sort cette fois de cette épopée comme l'un des gagnants. Deux dessinateurs se partagent les planches, mais le lecteur reste en terrain connu, les récitatifs sont toujours bien présents, et moi j'ajouterai quand même 2 petits bémols. Milligan de Lyra, eh bien il ressemble à s'y méprendre à un Mortimer qui se serait rasé, un Mortimer imberbe. Et deuxième petit bémol, il est quand même surprenant de voir des rescapés du Reich continuer à se promener en uniforme nazi en 1948. Ma conclusion est celle-ci, c'est que les péripéties des espadons trouvent l'épilogue dans cet épisode plaisant, aussi entre tradition et modernité, et dont les rebondissements, même s'ils font par moments preuve de facilité, permettent de passer un bon moment de lecture et apportent une grande maturité humaine au célèbre duo. Le secret, c'est pour tout de suite, je vais vous en parler. Le Dernier Espadon, donc c'est une nouvelle aventure des nouvel épisode des aventures de Blake et Mortimer. C'est sorti chez Dargo au mois de novembre et peut-être que Saint-Nicolas va vous l'apporter très bientôt. Jean Van Damme au scénario donc, et au dessin, Berserik et Van Dongen. Et puisque cette année 2021, c'est une année un peu dans le monde de la BD, une année Jacobs, je vous signale aussi une exposition qui se tient au Centre Belge de la Bande Dessinée à Bruxelles. Et c'est pour ça que je parlais de secret, parce qu'elle s'intitule « Le secret des espadons ». J'ai eu l'occasion de la visiter lors des journées presse. Et ça a l'air pas mal. Enfin, elle n'était pas encore complètement achevée et montée, mais... allez-y, hein, au Centre Belge de la Bande Dessinée, elle se tient jusqu'au 16 avril 2022 avec un peu de réalité augmentée. Vous verrez, vous pouvez scanner les espadons et en faire apparaître ici et là. Et tant qu'on en est avec Edgar P. Jacobs, je vous signale aussi une biographie qui est sortie aux Impressions Nouvelles. Edgar P. Jacobs, un pacte avec Blake et Mortimer. C'est écrit par François Rivière et Benoît Mouchard. J'aurais voulu vous en parler un peu plus longuement, mais mon exemplaire s'est apparemment désintégré quelque part sur le réseau de la Poste, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Je vous mettrai la fiche de lecture sur la page, sur le site Planet Indie, 3xW. C'est même planetindie. Je ne sais même plus ce que c'est l'extension, GQ, je crois. Oui, c'est ça. Et la conclusion avec l'illustration de la couverture, bien évidemment, comme d'habitude. Dans notre groupe Facebook, voilà, je suis tout à fait complet maintenant avec avec cette histoire de capsule BD. Voilà, et bien poursuivons et laissons la place de nouveau à la musique. On va écouter Carus Thompson avec London College. Et puis après cela, on écoutera Coco O'Connor et No Better Woman. I met you on the line, stepping through this life we chose for ourselves. In and out of bars, late nights and cars and empty shows. Always thought you'd be around, you had your sound. Oh, the places I thought we'd go. It's hard on the line, trying to keep in time or getting by. Now I sit and wait, I wait on a song for you. One more song before you go. I can see the day when we share London coffee. Songs rise and they fall. From all around the world, people write to me. Those you met on your way, couldn't change if we tried. Feeling alive for so long. Always thought you'd be around, we all had our sound. Some would stay and some would go. It's hard on the line, stealing some time while getting by. Now I sit and wait. Wait on a song for you. One more song before you go. I can see the day when we share London coffee. Songs rise and they fall. Took it all. what to say, but this is a song for you. One more song for the road. We all have those days when we need a London coffee. Songs rise and they fall. Boy, you look so tired. You've had a real hard day. I know. I see it in your eyes. Hush, there ain't nothing to say. Honey, won't you sit right down? I'll make you something to eat. You know. I can read your mind and all the secrets we keep. No better. Better Woman, c'est toujours un plaisir de réécouter Coco O'Connor dans cette émission avec un extrait de son album dont on avait longuement parlé il y a quelques mois de cela, When I Was Your World. On a encore un peu de temps parce qu'on doit retourner sur l'album de Duke Collins et les Receptionists pour notre troisième extrait. Pour ceux qui ont suivi attentivement tout à l'heure, j'ai dit que Doug passait beaucoup de temps sur scène. Eh bien, tout d'abord, ça ne lui laisse pas beaucoup de temps pour enregistrer. À près de 50 ans, Good Sad News n'est que son troisième album, comme je le disais précédemment. Je vous ai dit aussi que j'allais parler un peu plus longuement de ses prestations sur scène. Vous ne le trouverez pas à l'affiche de grands festivals ou dans des salles immenses et bondées, non. Il faut chercher un peu pour le trouver, car il arpente essentiellement les estades des soirées microphone ouvert ou micro à disposition, je ne sais pas comment on traduisait en français, c'est open microphone en anglais, dans les cafés et brasseries de la région de Saint-Paul, Minneapolis. Ce n'est évidemment pas de tout repos et c'est très très très exigeant. Il doit tout d'abord entasser tout son matériel dans sa vieille Toyota Camry qui a presque 20 ans pour un trajet qui prend à peine 5 minutes vers le centre-ville. Là, il doit disposer d'une excellente organisation pour rentabiliser sa soirée. En effet, une prestation consiste la plupart du temps en 3 chansons maximum. Il a donc un petit carnet ou un calendrier où il tient note des lieux et des dates et des jours où les scènes sont disponibles pour lui. Une fois sur scène, c'est pas encore gagné puisque la plupart du temps, les gens qui viennent dans ces endroits prendre un verre après un match de sport ou pire encore en sortant d'un autre, un vrai concert, ne prêtent la plupart du temps guère attention à l'artiste. Mais même s'il ne récolte au mieux que quelques applaudissements polis, Doug met toujours un point d'honneur à donner le meilleur de lui-même, car comme il le dit, c'est toujours mieux que de chanter dans son salon ou sa cuisine, et il trouve qu'il n'y a rien de mieux que de jouer devant un public, même si celui-ci ne consiste uniquement en le tenancier ou le propriétaire du bar. Dernier extrait pour ce soir, j'ai choisi la dernière piste du CD Top of the Water Tower qui nous ramène à l'âge de l'adolescence et de l'innocence. Il nous emmène dans un endroit qu'un ado adorerait évidemment puisque c'est le sommet du château d'eau, mais certainement pas un adulte. Musicalement, on y retrouve du rock qui tue couplé avec des solos de guitare plutôt orientés blues. Voilà pour la présentation de ce troisième et dernier extrait pour aujourd'hui. Je vous rappelle le nom de l'album, Good Sad News, par Duke Collins and The Receptionist, et c'est notre power play aujourd'hui dans notre épisode numéro 437 de Planète Indie. Power play. Power play. Well, everyone's got some place where they wanna go. A quiet place that they don't have to show. The top of the water tower's where I wanna go. The top of the water tower's all I wanna know. That the sky looked at the up and tired of kicking around in the dirt. I wanna climb it, climb it up so high. Top of the water tower, well, it touches the sky. The top of the water tower, well, that's my escape. The top of the water tower is the only way I'll take. Seems like I've been here forever. I hope it stretches all the way up to heaven. I wanna climb it, climb it up so high. The top of the water tower, well, it touches the sky. Voilà, Top of the Water Tower, c'est le dixième et dernier morceau de l'album Good Sad News de Duke Collins et des Receptionists. C'était notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Je vous rappelle que je vous ai mis une vidéo sur la page Facebook de Planète Indie. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus ce que je voulais vous dire d'autre à propos de Duke Collins. Peut-être l'adresse de son site internet, c'est dougcollinsmusic.com, dougcollinsmusic.com. comme on a rattrapé, on était un petit peu en retard tout à l'heure, on a bien rattrapé. Alors on a encore le temps de parler, et on va prendre de toute façon le temps de parler de la programmation de notre autre partenaire qui est l'abbaye de Neumünster. Ça va être assez facile aussi puisque comme d'habitude, c'est la programmation se concentre sur les apéro-concerts du dimanche midi, plutôt du dimanche 11h. Demain, ce sera Selma avec un tribute to Julie London. Son spectacle s'appelle Go Slow Singing Low. Selma propose de découvrir sur un univers musical, l'univers musical de son dernier album Go Slow Singing Low, accompagné de ses quatre acolytes. Elle rend hommage à Julie London, chanteuse et actrice des années 60 et 70. Mardi, il y avait le concert Athletic Progression, le groupe de jazz danois, mais ce concert est annulé. Ça nous amène au 12 décembre avec Fou Jazzy Plus 3, un quintet de jazz. Ce sera à 11h, donc dimanche en 8. C'est une formation dont le répertoire se caractérise par une grande variété de styles. Le 19 décembre, Neumünster accueille Berlin de Demann. C'est dans le cadre du festival Reset. C'est une joueuse de tuba basse. Et puis c'est la clôture. Le suivant, ça reprendra le 9 janvier avec le quartet de R.L. Besson. Qui nous proposera une pause de légèreté bien méritée, extraite de son nouvel album Try, qui est sorti en février dernier. Voilà, je ne sais pas s'il reste des places, allez voir sur le site neumünster.lu. Et puis là, je ne vous parle encore que de la programmation musicale, mais il y a d'autres événements, hein. Il y a des expositions, des résidences d'artistes, des spectacles sur scène, du théâtre probablement, et bien d'autres choses. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site internet. Nous, on a encore un petit peu de temps pour de la musique, donc on va écouter la chanteuse qui était, je commence à être fatigué moi aujourd'hui, je sais pas ce que j'ai, que j'ai programmé pour ce soir. Elle s'appelle Sina Samuelson et nous interprète Please Love Me Forever, s'il te plaît aime-moi pour toujours, Sina Samuelson. Down to sleep, I pray the Lord. c'est pas une chanson de Noël, mais ça pourrait presque être le cas. Je vous rappelle son nom, elle s'appelle Sina Samuelson et elle nous interprétait Please Love Me Forever. Mais on arrive tout doucement à la fin de la programmation de cet épisode numéro 437 de Planet Indie. Il nous reste encore un petit morceau à écouter. J'étais très heureux de passer ce début de soirée en votre compagnie. J'étais très heureux de passer cette année 2021 en votre compagnie. J'espère que bien, vous nous ferez le plaisir, la joie et l'honneur d'être présent avec nous pour l'année 2022. Je me dois de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, même si on est encore que le 4 décembre, mais comme on ne te réentendra que l'année prochaine. Donc je vous rappelle, notre prochaine émission, c'est en principe le 1er janvier, puisque le premier samedi du mois de janvier, ce sera le 1er janvier. Elle sera plus que probablement maintenue, mais plus que probablement, elle sera préenregistrée une fois n'est pas coutume. Donc restez bien branchés. La playlist et le podcast ainsi que la fiche de lecture de la BD du mois seront très rapidement disponibles sur notre site internet www.planetindie.gq et puis rejoignez-nous aussi sur dans notre groupe Facebook, ça nous fera plaisir. Que vous signaler de plus, eh bien que cette émission sera rediffusée demain aux mêmes heures, entre 17h et 18h30. Donc le podcast, j'en ai parlé, ce sera disponible ce soir. Et puis, la prochaine émission en français sur Radio RGL, ce sera samedi prochain aux mêmes heures. On va se quitter avec un artiste qui s'appelle North Call Music, même si il écrit MVZIC. Et il a fait pas mal de petits morceaux orientés, enfin, avec le thème, sur le thème des animaux. Et là, il nous interprète Flexible Walrus 2. C'est des petits morceaux instrumentaux, vous allez voir. Et c'est avec ça qu'on se quitte pour aujourd'hui. Allez, bonne fête de fin d'année. Portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. Et rendez-vous en 2022.